J'irai dès que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. J'irai dès que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. En galère dès mon entrée, je suis là pour un trafic avec des Hollandais. Pour cuisiner le crack comme dans les grands restos, mon cuisson est Sri Lankais. Quand la concurrence est agressive, on rend les prix attractifs. J'échangerai bien mon semi-automatique contre un emploi fictif. J'ai le symbole de la réussite, devenir gérant d'un batteriste. Après une grosse perquise, comme en temps de guerre, on recoupe l'effectif. À la maison, le sexe était tabou, donc avec les bitches, on est affectif. Tu peux te cacher nulle part, on connaît du monde, jusque tout là, on est montagne du riz. Nouvelle cargaison, tampon, all 13 sur la plaquette, nouvelle confrette. Le frérot est libérable, le sol va trembler, l'équipe est au complet. Bouteille de Belvée, maillot du Brésil, sourire du débile. Discussion de débile, sur une bijouterie, et on se déguise. Tout le monde en position, je vendais déjà, alors je n'étais qu'un petit embryon. Je charge une calache, range ta lacrymo. Je t'en sers dans le désert comme les latinos. Dans une Maserati, fluide comme Verratti. Je mène le train depuis d'années Mirati. Je fuis à l'étranger avec une actrice. J'ai déjà cassé ma puce. J'ai rêvé que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. J'ai rêvé que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. Des tenues particulièrement signalées, je suis trop chaud. Je suis trop violent dans le game, ouais, crieur. Balance ma petite en poteau. J'fais le yo-yo, j'donne à manger à ces rappeurs d'en bas. J'suis solo, j'fais qu'une place dans la Ferrari. Elle monte à deux, tous des passagers à la NMI. On me soupçonne d'être un dealer. J'suis rentre pour des délits mineurs. J'ai l'assassin de thriller. Oh oui, c'est la vie. J'dors pas si j'ai pas mon slip de canard. À quoi faire d'avoir une femme si ton shit elle rentre pas? J'fais du bruit, un crapaud vite, j'attends le go. J'vais te fumer, donne-moi la rançon comme t'as dit Benzema, petit vélo. Je mange des pâtes à la bolo, capot décapi, j'ai concert en tissime. J'te sors le zob, j'te sors le zob, j'ai piscine à minuit, viens en trikini. Le rap français descend plus en promenade, tu fais de la boxe, moi je t'envoie des grenades. J'suis au genre, je sais que toi t'es au McDonald's. De Marseille au Nord, qui me redonnait tout le hara. J'ai rêvé que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. J'ai rêvé que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne me rendait visite, baby. J'ai rêvé que j'étais en prison, que j'insultais les surveillants. En cellule, je fumais du shit et personne ne me rendait visite, baby.